Là, sous les cieux nébuleux, Melvin est une licorne bleue. Il a un pouvoir fabuleux et des cheveux super soyeux. En exil, dans une grosse tour phallique, c'est sûr que Melvin est magique.